Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Dimanche, on va vivre une journée de 25 heures. Certains en profiteront pour dormir davantage. D'autres préféreront prolonger leurs activités favorites. Mais ce changement d'horaire, finalement, est-il justifié? Alors, on en parle avec Mélanie Jean. Bonjour, Mélanie. Bonjour, François. Et oui, ce week-end, dans la nuit du 1er au 2 novembre, à 2 heures du matin, plus précisément, on va devoir reculer horloge et montre d'une heure pour passer à l'heure d'hiver. Mais en fait, c'est l'heure normale, qu'on l'heure peut normale, dire. L'heure normale, c'est ça. Et bien que l'opinion publique soit majoritairement contre et qu'il y a à peu près 68% des pays dans le monde qui n'utilisent pas du tout ce système d'heures été-hiver, eh bien ce rituel, ben, il revient année après année au printemps et à l'automne. Et je me suis demandé, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et c'est parce que les bénéfices économiques de ce changement d'heure aujourd'hui sont plutôt mis en doute. Donc, je me suis dit qu'il était temps de mettre les pendules à l'heure. C'est une très, très bonne idée, effectivement. Mais dans le fond, Mélanie, ce changement d'heure, d'où est-ce que ça vient, ça, cette habitude-là? Bien, ça remonte à quand même assez longtemps. C'est la première fois qu'on en fait mention, c'est en 1784. Et c'est nul autre que Benjamin Franklin qui propose l'idée de décaler les heures au changement de saison pour économiser de l'énergie. Mais personne ne va donner suite à cette idée-là jusqu'à ce qu'elle soit relancée au début du 20e siècle, en 1907, par un inventeur britannique du nom de William Willett. Ensuite, l'Allemagne va être la première nation à vraiment appliquer ce système-là en 1916. Et peu de temps après, il va y avoir l'Angleterre et la France qui vont emboîter le pas. Par contre, ce système-là a été abandonné pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a été comme remis en vigueur pendant la première crise du pétrole à la fin des années 70. Et plusieurs l'ignorent d'ailleurs, mais moi-même, avant de faire mes recherches, je le savais pas. Mais au Canada, toutes les provinces changent d'heure, sauf l'île de Southampton au Nunavut, la Saskatchewan, à l'exception de l'agglomération de Lloydminster, les régions d'Atikokan, de New Onasburg et de Pickle Lake dans l'Ontario, ainsi que le nord-est de la Colombie-Britannique. Eux, ils ont décidé de garder la même heure toute l'année. Mais sinon, partout ailleurs au Canada, on fonctionne là, comme au Québec. Je sais aussi qu'aux États-Unis, il y a l'Indiana aussi. Oui, il y a quelques États qui ne sont pas dans ce système-là. L'Arizona ou Phoenix, c'est en Arizona, c'est ça? Je crois que oui. Je pense que les autres aussi, ils ne changent pas d'heure non plus. Oui. Mais c'est certain aussi que ça ne concerne pas les pays en fait, qui sont sur l'équateur. Parce non, parce que la durée d'ensoleillement varie pratiquement jamais tout le long Donc, de l'année. Donc, ils n'ont pas d'avantage à avancer exactement, ou reculer là. Exactement. Mais en fait, Mélanie, pourquoi on change d'heure au fait? Ben, à la base, l'objectif, c'était de faire correspondre les heures d'activité humaine avec les heures d'ensoleillement en raison de la flambée des prix de l'énergie. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est comme revenu à la mode, on peut dire, la crise pétrolière. Ouais. Okay. C'était la raison première. Pour sauver de l'argent, c'est ça? Oui. Mais là, cependant, depuis le début du 21e siècle, il y a quand même 14 pays qui ont abandonné ce système-là. En 2011, il y a eu la Russie, le Japon, l'Ukraine, la Corée du Sud et même l'Islande qui ont abandonné ça. Donc là, pourquoi d'abord continuer à changer d'heure? Bon, comme je l'ai dit, l'objectif là, était vraiment principalement pour faire correspondre les activités avec les heures d'ensoleillement. Donc, c'est un peu une raison économique. Mais c'est aussi plus plaisant aussi. Oui, ben admettons que le jour se lève en heure d'hiver à 4 heures du matin et se couche à 21 heures. En heure d'été, il va se lever à 5 heures et il va se coucher à 22 heures. Ben, peu de gens vont utiliser l'éclairage entre 4 heures et 5 heures du matin. Là. Généralement, la population dort à ces heures-là. C'est ça. Par contre, l'utilisation de l'éclairage artificiel est vraiment plus utilisée entre 21 heures et 22 heures. Donc, le passage de l'heure d'été permet de prolonger l'ensoleillement à un horaire où l'éclairage artificiel est théoriquement plus utilisé. Et le changement d'heure a donc été mis en place pour valoriser cette espèce d'économie d'énergie. Reculer d'une heure en hiver, ça permet de gagner une heure de lumière naturelle aussi, parce que là, on a l'impression que le soleil se couche plus tard. C'est ça. Et plus tôt. Plus tôt, oui. Et d'accorder aussi comme notre vie là, au rythme du soleil, là, parce qu'on gagne en ensoleillement l'été. Là. Puis on gagne en ensoleillement l'hiver, mais le matin. C'est ça. Et d'ailleurs, selon l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le changement d'heure s'inscrit parmi les mesures qui permettraient de limiter la consommation énergétique et de lutter contre le réchauffement climatique. Selon l'Agence, toujours en 2009, le gain sur l'éclairage là, qu'on aurait obtenu en France grâce à ce changement d'heure-là équivaut environ à la consommation de 800 000 ménages. Ça équivaut à peu près à 44 kilotonnes d'émissions de CO2 qui auraient été comme économisées et qui on prévoit qu'en 2030, ça serait l'équivalent de 80. Mais est-ce que 44 kilotonnes d'émissions de CO2, c'est significatif? En fait, sur l'ensemble de la consommation d'énergie, est-ce que ça permet vraiment... Est-ce qu'on peut considérer ça vraiment comme une économie? Ça semble beaucoup, là, comme ça, là, dit comme ça, mais oui, ça correspond à peu près à même pas 1%. Là, on parle de 0,3 à 0,5% de la consommation française. Donc là, on s'interroge sur d'autres façons d'économiser l'énergie. Un gain beaucoup plus grand serait obtenu, surtout avec l'utilisation beaucoup plus importante des nouveaux types d'éclairage à basse consommation. On pense les fluos compacts, les LED, et tout ce genre d'éclairage-là. L'adoption du changement d'heure en plus pourrait même faire, selon certaines études, augmenter la consommation d'électricité dans différentes parties du monde. Parce que là, la hausse, ça viendrait... augmenter la hausse de l'utilisation de la climatisation. Donc là, ça ne compense pas les gains en énergie de chauffage, là, par exemple. Donc on n'est pas très gagnant au bout du compte. Et à chaque changement d'heure, on se demande aussi s'il y a des effets sur la santé. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a certaines personnes qui disent éprouver beaucoup de difficultés quand le soleil se couche très tôt. Ben, en effet, ce changement d'heure, ça perturbe notre horloge biologique. Et selon les observations des chercheurs, on dit que le corps aurait besoin d'un jour pour s'adapter à chaque fuseau horaire. Donc, un jour par heure. Donc, décaler sa montre d'une heure et adapter son horloge interne, ben ça nécessiterait au moins une journée d'adaptation. Mais la communauté qu'on appelle les chronobiologistes sont beaucoup plus sceptiques vis-à-vis de cette théorie. La plupart pensent qu'il faut environ une semaine à une personne âgée ou à un jeune enfant pour passer ce fameux changement d'heure-là. Et là, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'irritabilité, de troubles du sommeil, de troubles de l'appétit, qui peuvent s'accompagner même de petites infections virales parce que le corps devient un peu plus affaibli que d'habitude. Dans certains cas, c'est même plus grave. Il y a une étude qui est sortie en mars dernier, qui a été publiée dans la revue médicale américaine Open Heart, et qui explique qu'ils ont fait des statistiques dans un hôpital du Michigan. Ils ont constaté que 24 % des crises cardiaques en plus le lundi qui suit le changement d'heure au printemps et une baisse de 21 % le mardi suivant le retour à l'heure d'hiver à l'automne. Donc, c'est quand même significatif. Par contre, c'est un faux débat de dire que tout le monde va être également impacté. Certains sont des couches tôt, d'autres sont des lève-tard, d'autres sont des couches tard. Donc, on peut être très sensible au passage de l'heure d'hiver, tandis que d'autres ressentent absolument rien ou être sensible à l'heure d'été ou vice-versa. Mais selon plusieurs autres études, le sommeil étant perturbé, on voit aussi une augmentation des dépressions, des suicides, parce que ça a une incidence aussi sur ce genre de comportement-là là, dans les semaines qui suivent le décalage horaire, selon beaucoup d'études. OK. Et si on décidait d'arrêter le changement d'heure, qu'est-ce qui se passerait? Ben, la majorité, en partant, j'ai vu passer des statistiques là, en faisant mes recherches sur Internet, la majorité des gens ne voient pas vraiment l'intérêt du changement d'heure. Je me souviens qu'en France, là, il y avait une statistique, c'était pratiquement là, t'sais, une personne sur deux trouve que c'est complètement inutile. OK. Puis là, on s'interroge sur les bénéfices économiques qui semblent pas non plus beaucoup être au rendez-vous. Il reste que s'il fallait éliminer le changement d'heure, là, il y aurait plusieurs systèmes informatiques qui devraient être reprogrammés, un peu comme à l'époque là, du fameux bug de l'an 2000. Oui, on s'en souvient tous. Et oui, et l'heure avancée, l'heure d'été, elle serait donc éliminée. Là, reste à voir si on trouverait agréable d'avoir moins de clarté le soir, parce que même en été, là, à l'heure normale, le soleil se coucherait beaucoup plus tôt. C'est ça, une heure plus tôt. Donc, il faudrait adapter notre vie au soleil, comme on le fait avant le 20e siècle, en fait. Oui, tout à fait. Et si on restait à l'heure avancée en hiver, mais en décembre, il ferait nuit jusqu'à 8 heures le matin aussi. Oui, ça serait peut-être un peu pénible. Comme c'est le cas en France. En France, quand ils sont à l'heure normale, effectivement, le soleil se lève à 8 heures et il se couche à 16 heures. Ça ne fait pas des journées très longues. Non, c'est un peu déprimant quand on se lève le matin, pour l'avoir déjà vécu. Alors, pas facile de se lever à partir et de partir travailler quand il fait encore nuit. Oui, vraiment. Alors, merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. Et on part en pause publicité sur CKRL au 89.1. Et au retour, on entre dans l'Halloween.